Je me croyais l'élu en volant mon histoire, mais je me suis battu pour gagner. À vaincre sans vertu, on triomphe sans gloire. L'honneur vaut mieux que le trophée. C'est ridicule, pas de scrupule, il faut que l'on fait. Si on t'adule, pas de scrupule, laisse-toi porter. Mais le miroir fait mon regard pour ne pas voir que je suis victime de ma victoire. Oui, je m'avoue vaincu par le goût du pouvoir, parvenu en haut sans m'élever. Je suis prince incongru d'un talent dérisoire, me faire aimer des autres sans aimer. C'est ridicule, pas de scrupule, il faut triompher. Si on t'adule, pas de scrupule, laisse-toi porter. Mais le miroir fuit mon regard pour ne pas voir que je suis victime de ma victoire. Histoire.